Oui, bonjour. Bonjour à tous et bienvenue à l'atelier Émosson. Alors aujourd'hui, on retrouve tous les jeunes qui ont participé à cet atelier, donc à savoir Charlie, Kevin, Anaïs et Jordan et Bérangère. Voilà. Donc, comme d'habitude, hein, on connaît le thème de cet atelier. Est-ce que quelqu'un peut le rappeler parmi les jeunes? Vas-y, Charlie, si tu veux. C'est qui parle là? Là, c'est par le téléphone. Mais vas-y, est-ce que tu peux nous indiquer le principe de cet atelier? En résumé, tous les membres de l'atelier aujourd'hui ont choisi secrètement une chanson. Ouais. Et au fur et à mesure de l'atelier, elles vont être diffusées sur notre antenne. Et chaque membre de l'atelier doit deviner qui a choisi cette chanson et nous expliquera les raisons pour lesquelles ils ont choisi cette chanson. C'est exactement ça, Charlie. Est-ce que quelqu'un a quelque chose d'autre à rajouter? Du coup, quand on a, quand on écoute la chanson, ce qu'on fait après, c'est qu'on dit tout simplement si elle nous plaît, si elle nous plaît pas, ce que ça provoque chez nous, d'où l'atelier émotion, puisqu'il y a, émotion dedans. Alors, peut-être que s'il y a des auditeurs qui n'ont jamais entendu cet atelier, on pourrait peut-être faire un exemple maintenant avec le premier choix que Marion va gentiment nous faire. On me donne l'obscurité, puis la lumière. On me donne la faim, la soif, puis un festin. Qu'on m'enlève ce qui est vain et secondaire. Je retrouve le prix de la vie enfin. Qu'on me donne la peine que j'aime dormir. Qu'on me donne le froid pour que j'aime la flamme. Oh, pour que j'aime ma terre, qu'on me donne l'exil et qu'on m'enferme un an pour rêver à des femmes. On m'a trop donné bien avant l'envie. J'ai oublié les rêves et les merci. Toutes ces choses qui avaient un prix, qui font l'envie de vivre et le désir, et le plaisir aussi. J'aime l'amour, la solitude aussi, pour que j'aime les gens, pour que j'aime le silence, qu'on me fasse des discours et toucher la misère, pour respecter l'argent, pour que j'aime être sain, vaincre la maladie. On me donne la nuit, pour que j'aime le jour. On me donne le jour pour que j'aime la nuit, pour que j'aime aujourd'hui, oublier les toujours. On m'a trop donné bien avant l'envie, j'ai oublié les rêves et les merci. Toutes ces choses qui avaient un prix, qui font l'envie de vivre et le désir et le plaisir aussi. Thank you. de retour à l'antenne. Ouais, très bien. Bon, je pense qu'on a tous reconnu Johnny Hallyday dans cette musique. Ah, c'est intéressant. Qui a reconnu Johnny Hallyday? Moi, je l'ai reconnu. Oui. À quel moment vous l'avez reconnu? Ah, dès le début de la musique. Dès le début? Oh, bah, oui. Ah, moi, j'ai reconnu dès le début, dès l'introduction, j'ai reconnu que c'était l'envie. Et toi, Anaïs? Bah, pareil que Charlie. Pareil que Charlie, c'est-à-dire? Moi, je pensais aussi à Charlie. Ah, toi, tu vas. Alors là, on n'est pas encore à savoir qui a choisi cette chanson, mais en tout cas, c'est bien Jordan, mais du coup, Anaïs, toi, tu as reconnu Johnny Hallyday? Oui. Oui? D'accord. Dès le début aussi? Oui. D'accord. J'adore Johnny. Ah, toi, tu adores Johnny? Ah, oui. Super. Et toi, Jordan, tu l'avais reconnu dès le début aussi? Dès le début, oui. Ah. Alors, qui aime cette chanson? Tout le monde. Tout le monde. Moi, ça va, oui. Ouais, c'est un oui sans plus. C'est pas ma chanson préférée de Johnny, mais ça va, j'aime bien. D'accord. Kevin, on te sent plus enthousiaste, quoi. Pour toi, c'est tout le monde aime cette chanson. Ah bah oui. Ah bah oui. Alors, c'est quoi que tu aimes dans cette chanson? Bah, tout. Tout? C'est plutôt la musique, plutôt les paroles? Ah, la musique, les paroles. Ah, et les deux? Ouais. D'accord. Ah, c'est plutôt une musique qu'on pourrait dire entraînante. Ok. Alors, est-ce que vous avez de votre côté une idée de qui aurait pu choisir cette chanson? Ah, je pense que c'est Bérangère. Ah ouais, ah, c'est... toi tu penses que c'est Bérangère. Tu penses que c'est plus de son époque, c'est oui. ça Pas seulement. D'accord, pourquoi Bérangère? Parce que je pense que c'est un peu son style de chanson. Ouais. D'accord. C'est noté, donc on dit qu'il y a un point pour Bérangère. Toi, Anaïs? Moi, je penserais Charlie. Toi, tu penses Charlie. Pourquoi? Bah, parce que j'ai observé qu'il chantait un peu la musique. Ah. Moi aussi, je chantais, je tiens à préciser. Anaïs est une très bonne observatrice. Très bien, Anaïs. C'est malin, ça. Ça, c'est malin. Moi, je pense, personnellement, je dirais que c'est Bérangère. Ah, toi, tu penses que c'est Bérangère aussi. Donc, ça fait 2 points pour Bérangère, 1 point pour toi. Et toi, Jordan, tu en penses quoi? Moi, je pense que c'est Kevin. Toi, tu penses que c'est Kevin? Alors, nous, ce qui est marrant, c'est que, comme Jordan et moi, on n'est pas dans la même salle, on n'est pas dans le studio, on voit pas, en fait, l'expression des autres personnes, on voit pas Kevin, on voit pas Anaïs, on voit pas Charlie, donc on peut pas deviner, voilà, et voir sur leur visage, même s'ils sont masqués, l'expression pour savoir si c'est eux ou pas eux. Ah, ou tu les as pas vus danser sur la table alors? Mais voilà, on a pas vu ça. Ok, tout de suite les grands mots pour Benoît. Alors, qui ne s'est pas exprimé? Bérangère, tu t'es pas exprimé? voilà, moi je suis obligée d'avouer. Oui, effectivement, c'est moi qui ai choisi la chanson. Je le savais. Oh, j'en étais sûre. Moi aussi. En fait, c'est une chanson. C'est une chanson qui avait été écrite par Jean-Jacques Goldman en 86, qui était d'abord proposée à Michel Sardou. Michel Sardou avait refusé, donc c'est Johnny qui l'a chantée. Et c'est une chanson en fait qui, les paroles, elles évoquent les tracas du quotidien. Ça passe de la lumière à l'obscurité, la chaleur après le froid, être entouré après avoir été seul. Et on est dans une période assez compliquée au jour d'aujourd'hui. Et c'est vrai que c'était une chanson que voilà, j'ai trouvé, c'était adapté aujourd'hui pour l'écouter. Parce que on va aller vers le meilleur et donc c'était une chanson adaptée, je trouve. Ah ouais, d'accord, très bien. Oui, tu mets tout un sens derrière. Moi, je ne savais pas cette histoire de que c'était Goldman qui l'avait écrit pour Sardou, que Sardou a refusé. Voilà. Comme quoi, on en apprend tous les jours. Hein. Ouais, c'est... Bérangère nous a fait un cours d'histoire de la chanson. Très bien. On dirait un reportage sur le top 50. Du coup, Charlie, on a gagné combien? On a tout de suite trouvé que c'était bien. Ah oui, donc toi, tu viens pour gagner quelque chose. Et ben, tu as gagné tous les honneurs cette manche-là, ce qui est déjà beaucoup. Donc, bah, très bien. Merci, Bérangère, en tout cas. Merci de nous avoir fait partager ton choix de chanson Bérangère. Et comme quoi, tu vois, Anaïs, Anaïs avait très bien remarqué Charlie qui chantait effectivement. Et comme quoi, je crois que Charlie connaît tellement toutes les chansons que malheureusement, on peut pas se fier juste à ça. Est-ce qu'on passe à la deuxième ? Est-ce que ça vous va ? Oui. Oui. Oui. Glad you stay. Moi aussi j'ai ce genre de même impression. Je pense... Est-ce que quelqu'un connaît qui était le chanteur? Alors moi je ne connais pas du tout cette chanson, c'est la première fois que je l'écoute. Pareil. Anaïs, qu'est-ce que c'est? Moi c'est pareil, je ne connais pas du tout ce style de musique. Et je peux même ajouter que ça s'est vu à leur visage parce qu'ils avaient tous les yeux grands ouverts à se dire qu'est-ce que c'est. Est-ce que je peux savoir c'est qui le groupe et le titre de la chanson? Le groupe c'est les 3T et le titre c'est Stuck on You. Alors les 3T c'est les neveux de Michael Jackson. Oui, ça je connaissais, oui. Thierry, Théophile et Tristan, c'est ça? 3T Thierry, Théophile. Alors attends, je suis en train de chercher parce que je ne connais plus les prénoms. Taril, TJ et Taj. Ah oui, bah, c'est plus américanisé. Donc oui, tu voulais dire quelque chose. Je pense avoir une petite idée sur qui a choisi cette musique. Ah. Donc, je pensais à Jordan, parce que, étant donné que la musique, c'est une sorte de nouveau genre de musique qu'on n'a pas eu ici, et que Jordan est justement nouveau dans cette émission, je pense que c'est lui qui aurait pu choisir ce genre de musique. Je rejoins le raisonnement de Kevin, je pense que c'est Jordan. Ah ouais, c'est assez intéressant comme raisonnement. Donc, personne n'a pensé que ça pouvait être moi. Bérangère, on est vieux, je crois. Donc du coup, on est trop vieux. Moi, c'est vrai que comme je suis dans la petite salle avec Jordan, je lui ai demandé, mais tu sais, je connais pas du tout. Est-ce que toi tu connais? Il me dit, je crois que c'est les 3T. Ah, d'accord. Bon, alors du coup, moi, un peu facilement, je vais me rallier au fait que ça peut être Jordan, effectivement. Mais j'aurais pu honnêtement penser aussi à Kevin ou Anaïs, mais voilà. Anaïs, qu'est-ce que tu penses, toi? Moi, je penserais Jordan aussi. Gris. Et si ça se trouve, ça va être Marion. C'est bien possible aussi. Alors, Jordan, c'est cool. Alors, je vous le dis, vous avez tous bon. On a tous bon. Ah. Alors, pourquoi ce choix? Je suis fort. Parce que j'aime un peu le rythme de la musique. Ouais. Pourquoi? Les paroles aussi, je trouve que ça évoque un mood. D'accord, donc toi, tu comprends bien l'anglais. Oui. Ah, nickel. Puis aussi parce que c'est une reprise du chanteur Lionel Richie. Ah, ok. Deux points. D'accord. Donc, eh ben, en tous les cas, tu as été démasqué grâce, moi, je trouve, à l'analyse très pointue de Kevin. Et donc, les 3T, eh ben, c'est quelle année, du coup, tu penses? 2003-2004. 2003-2004, ouais, donc tu vois, c'est pas si récent que ça, Kevin, hein, on est quand même sur 17 ans. C'est quelque chose de doux comme musique, en fait. Oui. Et quand tu dis que c'est une reprise de Lionel Richie, lui aussi, c'est plutôt des musiques lancinantes, enfin... Mais c'est pas lancinant. D'accord. Ouais, ok. Bah, ok, et eh ben merci en tout cas, Jordan, pour ce choix. Merci pour ce choix. Merci. Oui. On continue sur un nouveau titre. Oui, oui, allez, c'est parti, on peut y aller. Je suis toujours celui qui t'a aimé, qui t'embrassait. de retour à l'antenne. Alors donc, qui a choisi cette chanson? Ah, on va peut-être... qui connaît cette chanson? Oui. Alors, est-ce que tu connaissais, toi, Kevin? Pas du tout. Non, c'est pas de ma génération. Genre bah moi, je connais très bien. Ah. Ouais. Béranger connaît très bien. Hein, donc, on a déjà éliminé. Alors. Cette chanson me dit quelque chose aussi. D'accord. Donc, si Béranger connaît bien, donc on est dans les années 40-50. Donc, je pense déjà l'avoir entendu une fois. Tu l'as déjà entendu une fois? Oui. D'accord. Est-ce que tu te souviens, c'était dans quel contexte? À la radio, je pense. À la radio? Oui. D'accord. Alors, est-ce que c'est plutôt sur Radio Gémozo qu'on entend ça? Est-ce que c'est plutôt sur Fun Radio? Est-ce que c'est plutôt sur Nostalgie? Moi, ouais, je penserais plus sur Nostalgie. Moi aussi. Ouais, ouais, j'ai l'impression. Parce que Nostalgie... Bon, Anaïs, est-ce que tu connaissais cette chanson? Oui. Ah, tu la connais. D'accord. Ah, très bien. Alors, tu la connais depuis longtemps? Je la connais grâce à ma mamie. Ah, tu la connais grâce à ta mamie. D'accord. Ok. Alors, eh ben, c'est quoi comme chanson, du coup, si tu la connais? Est-ce que tu connais le chanteur ou le titre ou... Je connais le chanteur. Ah, ben, tu peux nous dire qui c'est? C'est Jérôme. Ah, d'accord. C'est Jérôme, ok. D'où le titre, oui, Jérôme, c'est moi. Bon, moi, je connaissais aussi, hein, pour être honnête, hein, parce que je suis de la génération de Bérangère, donc on, effectivement, c'est un titre qu'on entendait. Ouais, la génération... Marion, tu connaissais? 45 ans. Oui, je connais. Ma mère a notamment l'album où figure cette chanson, donc on va dire que je le connais depuis que je suis haute comme trois pommes. D'accord. T'as dit ta maman, t'as pas dit ta grand-mère. Hein. Non, je suis un peu plus vieille qu'Anaïs, donc... du coup, voilà, mais c'est ma maman qui écoutait C'est Jérôme à la maison. Bon, et du coup, est-ce que ça vous a plu globalement, comme chanson? Oui. Oh, bah oui, très. Oui. Oui. Ouais. En fait, c'est pour. J'ai envie de dire pour les jeunes qui connaissent pas, bon, c'est compliqué. Mais à la rigueur, pour nous, ce sont des souvenirs, mais j'ai envie de dire aussi génération nos parents. Oui, tout à fait. Moi, j'ai pas dansé de saut là-dessus, hein. Non, mais moi, j'ai l'impression effectivement de l'avoir entendu plutôt dans les années 80, enfin, dans les années 90, quoi. Ouais. Quelque chose comme ça. Non? Dans les paroles, vous avez compris quoi, vous? Ça raconte quoi, la chanson? 97 ans. Personne n'a d'idée? Ah, moi, je pense que c'est des retrouvailles avec des anciennes connaissances. Ouais. Anaïs? Bah, ça fait penser à des souvenirs. Ah ouais. D'accord. Alors, ouais, pardon. C'est une chanson où on évoque l'amour. Ah oui, donc à un moment il dit je suis toujours celui qui t'a aimé. Voilà. Oui, bien sûr. C'est dans le refrain. Et il me semble, hein, que c'est Jérôme, c'est moi, c'est parce que le C, c'est il s'appelait Claude Jérôme, quelque chose comme ça. La pauvre Marion, elle se dit, je suis sur Wikipédia. Et ça faisait, oui, Jérôme, c'est moi, plus le C de son prénom, enfin, il me semble, si je ne me trompe pas. Alors, il s'appelait Claude Noël Gérard d'Hôtel. Claude, voilà, c'est le C de Claude, c'est ce qui me semblait. Je viens pas croire que c'est Benoît qui m'a choisi cette chanson. Pardon? Toi, tu penses que c'est moi? Oui, je m'adresse à Charlie. Je suis en train de me dire que on connaît beaucoup sur la chanson quand même. C'est que Jérôme, c'est Claude. Ah ouais, bah écoutez, hein, vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Hein, qui pense que... Jordan, tu penses que c'est qui? Moi, je pense à Anaïs. Ah, tu penses à Anaïs. Kevin? Moi, j'ai un peu de mal à me décider parce que Anaïs, elle dit que ça vient de sa grand-mère. Marion, elle connaissait depuis... Voilà, Benoît, vous connaissez aussi. Charlie connaît aussi. Alors j'hésite un peu entre tout ce petit monde. Mais je dirais Benoît. Ouais. D'accord, ah oui, ça fait deux voix contre moi, ouais, d'accord. Anaïs, tu dis qui toi? Moi je penserais Benoît. D'accord, trois voix. Alors moi je pense Anaïs. Moi je pense Anaïs. Ah, ça se partage. Moi aussi. Moi aussi parce qu'Anaïs, déjà les fois précédentes, elle faisait beaucoup de références aux choix musicaux de son ami. Qui ont une grande importance pour elle. Et là, elle l'a encore évoqué. Donc, moi, je pense comme vous, c'est le choix musical d'Anaïs.

Moi, pas au début. Pas au début. Ah. À quel moment Anaïs c'est Johnny. Moi, j'ai reconnu un peu au début. Pardon, excuse-moi, Anaïs. Ouais. Toi, t'as reconnu au début, Anaïs. D'accord. Et toi, Jordan, du coup, un peu plus tard. Un peu plus tard, quand il a haussé la voix. Ah, quand il a haussé la voix. Mmh. Plutôt au refrain, alors. Oui. Ah. Dès les premières notes, j'ai reconnu. Ah bah, ça, c'est sûr. Bérangère avait son briquet allumé au-dessus. Après la spéciale Amel Bent la dernière fois, on s'est dit on va faire une spéciale Johnny. C'est exactement ça. C'est vrai que deux fois Johnny, peut-être encore une troisième ou quatrième, on ne sait pas. Alors qui connaissait cette chanson? Moi. Ah, bah, raconte-nous un petit peu. Moi j'aime bien Johnny. Ouais, donc t'aimes bien Johnny. Mais ma grand-mère aussi elle aime bien. Ouais. Elle adore être Johnny. Ah d'accord. Et c'est quoi le titre alors? Bah je te promets. Ouais. Elle parle de quoi cette chanson? Est-ce que tu penses qu'il s'adresse à quelqu'un en particulier ou... Oh oui. Ouais. Peut-être à une personne qu'il aimait. Ou... Ouais. Bah, il dit beaucoup, je te promets. Donc. Jordan, tu veux dire quelque chose? Dans quoi je pensais plus à une chanson triste? Ouais. Ouais, c'est plutôt. Ouais. Oui. À quoi tu as senti que c'était plutôt triste? Comme des regrets envers son envers une personne qu'il aimait. Ouais. Et du coup, à qui il promet des choses après? Peut-être à soit sa femme, soit à ses enfants. Ouais. C'est intéressant ça. C'est intéressant. Et toi, Charlie? Ce sont des rêves réalisables, je pense. Selon toi, c'est des rêves réalisables. Des châteaux en Espagne, comme on dit. Ah. Et toi, Naïs? Je sais pas, j'en ai aucune idée. D'accord. C'est pas une chanson que tu connaissais? Non. Alors, quand on écoute les paroles, on a l'impression aussi que c'est une déclaration d'amour, quoi. Il lui promet plein de choses. Ouais. Ouais. Ah bah il lui promet effectivement plein de choses. Hein. Et il disait aussi, même si c'est pas vrai, si on te l'a trop fait, ouais, c'est quand même, je te promets, mais bon, je sais que des promesses, t'en as déjà eu, quoi. Enfin, je trouve. Ok, alors est-ce que donc Charlie, pardon, Jordan disait que c'était plutôt une chanson triste. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont un autre avis? Est-ce que c'est est-ce qu'on peut classer ça dans les chansons d'amour, dans les chansons Oui, on peut. Ouais. Oui, on peut dire que c'est pas le Johnny qui chante Allumer le feu, par exemple. Du tout. Non, on n'est pas sur le même registre. On n'est pas sur le registre. Ouais, Johnny avait quand même un panel assez complet de thèmes dans ses chansons. Hein. Bon, est-ce que quelqu'un se lance pour donner peut-être une hypothèse de la personne qui aurait choisi ce titre? Je dirais. Ah ben moi je me lance. Je dirais Marion. Ah ouais, toi tu dis Marion. Moi je dirais Benoît. Ah, toi tu me. Moi d'accord. Alors, moi je pense à Kevin. Alors, attends, excuse-moi, Jordan. Donc, ouais, Bérangère pense à Kevin. Moi je dirais Kevin. Ah, ça fait deux pour Kevin. Anaïs, tu as une idée? Je penserai Kevin aussi. Bon. Allez, moi je dirais aussi Kevin. Hein. C'est un peu facile de dire en dernier, mais. Alors, Kevin, est-ce que. Ah non, c'est pas moi. Ah, c'est pas toi? Bon, bah, c'est Marion. C'est Marion? Ah, Marion? Kevin avait raison. Pardon? Yes. Je dis Kevin avait raison. Voilà, Kevin, effectivement, s'il y avait un gros lot à gagner, tu l'aurais gagné. Parce que, avec Charlie, il me semble, Charlie, t'avais dit Marion aussi, non? Non, il a dit toi. Non, ah, j'ai dit Benoît que... parce que moi, je t'ai entendu chanter. Oui, c'est vrai. Et moi, j'ai fait exprès de pas chanter. Moi aussi, je voyais Benoît en train de chanter. Oui, mais c'est ça le problème, c'est qu'en fait, moi, je chante, je suis détendu, parce que heureux. Je sais que c'est pas la mienne. Et puis, je regardais Marion, elle dandinait un peu la tête. Ah, mais bon, le truc, c'est qu'il dandine la tête sur quasiment toutes les chansons. C'est donc... vrai. Mais là, c'était différent. Bah, dis donc, heureusement qu'on a fait, on avait appris le même chemin médical, hein. C'était différent. Bah, en fait, c'est toi qui m'as donné l'idée. Quand tu m'as donné ta chanson, je me suis dit, ah tiens, Johnny. Puis je l'avais entendu dans le générique d'une série qui passe à la télé en ce moment. Et, oui. Et je me suis dit, ah bah tiens, ça irait bien. Il y a déjà un Johnny, on va en faire deux. Comme ça, il va être un petit peu perdu. Ah, excellent. Bien vu. On voit qu'elle travaille dans la radio. Hein, ah oui, ça c'est bien vu. Tu disais, Charlie? C'est vraiment bien vu. Ouais. Oh, en tout cas, bravo à toi, Kevin. Parce que, c'était trompeur. Hein. Là, c'était trompeur, effectivement. Déduction. Ouais. Eh ben, merci en tout cas pour ta chanson, Marion. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter? Non. Non. Non, j'ai rien à rajouter. D'accord. C'est en quelle année? Ah, c'est en quelle année, il demande, Jordan? Bon, bah, on pourra. Voilà, quelqu'un a fait les estimations. Moi, je dirais il a dû faire ça dans les années 90. J'aurais dit 87. 2000. Pardon? Année 2000. Année 2000 pour... À toi, Jordan, tu dis quoi? Je pensais 90. 90 comme moi, ok. Bérangère? Ouais, j'aurais dit 2000, moi. 2000 comme Kevin. Charlie a dit 87, carrément une année fixe. Et toi, Anaïs? Ça avait été écrit quand? Anaïs propose 2000 aussi. Anaïs 2000. Eh ben, c'est Charlie qui est le plus proche, c'est 86. Oh purée, bien joué Charlie, qu'est-ce qu'il est fort. C'est la même année que l'envie. Ah, d'accord. Bah, je pense qu'ils l'ont créé. Enfin, ils l'ont créé. J'imagine c'est peut-être Goldman aussi qui lui a écrit d'ailleurs. C'est impossible. Ok. Eh ben, en tout cas, bien joué Kevin pour la déduction. Puis bien joué Charlie pour la date de l'écriture de la chanson. On passe à la prochaine? Oui. Oui. C'est parti. T'es pas né dans la rue, t'es pas né dans le ruisseau, t'es pas un enfant perdu, pas un enfant de salaud. Vu que t'es né que dans ma tête et que tu vis dans ma peau, j'ai construit ta planète au fond de mon cerveau. Pierrot, mon gosse, mon frangin, mon poteau, mon copain, tu me tiens chaud. Pierrot, depuis le temps que je te rêve, depuis le temps que je t'invente, ne pas te voir, j'en crève, mais je te sens dans mon ventre. Le jour où tu te ramènes, j'arrête de boire, promis. Au moins toute une semaine, ça sera dur, mais tant pis. Pierrot, mon gosse, mon frangin, mon poteau, mon copain, tu me tiens chaud. Pierrot, tu sois fils de princesse ou que tu sois fils de rien, tu seras fils de tendresse, tu seras pas orphelin. Et je connais pas ta mère, je la cherche en vain. Je connais que la misère d'être tout seul sur le chemin. Pierrot, mon gosse, mon frangin, mon poteau, mon copain, tu me tiens chaud. Pierrot, dans un coin de ma tête, y a déjà ton trousseau. Un jean, une mobilette, une paire de Santiago. T'iras pas à l'école, je t'apprendrai des gros mots. On jouera au football, on ira au bistrot. Pierrot, mon gosse, mon frangin, mon poteau, mon copain, tu me tiens chaud. Pierrot, tu laveras pas les pognes avant de venir à table, et tu me traiteras d'ivrogne quand je piquerai ton cartable. Je t'apprendrai mes chansons, tu les trouveras débiles. T'auras peut-être bien raison, mais je serai vexé quand même. Pierrot, mon gosse, mon frangin, mon poteau, mon copain, tu me tiens chaud. Pierrot, allez viens mon Pierrot, tu seras le chef de ma bande. Je te refilerai mon couteau, je t'apprendrai la truande. Allez viens mon copain, je t'ai trouvé une maman. Tous les trois ça sera bien, allez viens, je t'attends. Pierrot, mon gosse, mon frangin, mon poteau, mon copain, tu me tiens chaud. Pierrot, retour à l'antenne. Merci Anaïs. C'est une très belle musique, très belle chanson. J'ai comme l'impression qu'on est dans une petite dédicace. Ouais, d'accord. C'est vraiment une belle musique. Ok. J'espère que le petit garçon écoute. D'accord. Jordan, est-ce que vous connaissiez? Je connaissais l'interprète qui était Renaud, mais je connaissais pas la chanson. D'accord. Ok. Anaïs, est-ce que tu connaissais? Oui, je connais. D'accord. Tu connais, alors, tu connais, parce que c'est Renaud, et donc le titre, tu connais ou pas? Non. Tu peux avoir une petite idée? Non, je connais juste l'artiste. D'accord. Marion, tu connaissais? Oui, je connais. Et l'artiste et la chanson. D'accord. Et du coup, on a Kevin qui est à côté. Kevin, est-ce que tu connaissais? Oui, c'est de Renaud. Ah ouais, très bien. Ok. Alors, est-ce que quelqu'un. Est-ce que c'est une chanson qui vous plaît? Oui, t'en as plus. Moi, c'est une chanson qui me plaît. D'accord. Charlie? J'écouterai pas ça tous les jours parce que c'est une chanson assez triste. D'accord. Oui, le rythme est assez triste, hein, c'est vrai. C'est vrai. Oui, le rythme est triste. Après, quand on écoute les paroles, c'est pas spécialement triste. Ça fait une petite déclaration. Ouais, moi je la vois pas triste, effectivement. Après, c'est du Renaud, quoi. Donc, voilà, c'est. C'est très. C'est de, très la de la parole parlée, quoi. Ouais, ouais. Oui, c'est du parler vrai, hein, c'est sûr. Hein, voilà, c'est le langage un peu de la rue, quoi. De la rue des années 90, à peu près. 80. Ok. Oh, j'aurais dit 89. Ah, bah, tu vois. Bah moi en tout cas moi clairement j'aime beaucoup cette chanson. C'est une chanson qui me parle beaucoup. Voilà. J'aime beaucoup les paroles, la manière dont il s'adresse à cet enfant qui n'est pas encore né. Je sais pas si vous l'aviez entendu ça. Non, Annette, non. D'accord. Bon, est-ce que vous avez une idée de qui a pu choisir cette chanson? Moi je pense franchement à Benoît. Nous, on pense que c'est toi. Oui, c'est Benoît. J'hésite entre Benoît et Kevin, mais je dirais Benoît. Jordan, vraiment, je dirais Kevin. Ah, Jordan dirait Kevin. Et Marion dirait. Ah, moi, j'ai la réponse, donc. Ah, bah oui, forcément, je suis. Je peux pas jouer avec vous, moi, j'ai la réponse. Bon, alors, merci, Jordan, d'avoir voté pour Kevin, mais effectivement, c'est moi. Alors, c'est compliqué parce qu'en fait, j'ai pas chanté en me disant comme ça, si je chante pas, personne ne me verra. Mais voilà, c'est. Effectivement, Bérangère a vu juste, c'est une dédicace à mon petit garçon qui s'appelle Pierrot, et effectivement, bah, voilà, quand je l'écoute, ça me fait de l'émotion. Voilà. Il doit être content de t'entendre à l'antenne. Pardon ? Il doit être content de t'entendre à l'antenne. Alors, j'espère qu'il entend à l'antenne. Je suis pas sûr à 100%. Peut-être qu'il est en train de jouer dehors. Hein, voilà, mais dans tous les cas, voilà. C'est une chanson qui me parle beaucoup. Je trouve ça chouette, la manière. Je trouve que c'est un grand poète, Renaud. Ouais, on va passer à la suivante. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse through the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is attached. Head is matted black, got the bushes black to match. Riding on a horse, ha, you can whip your Porsche. I've been in the valley, you ain't been up off that porch. Now, can't nobody tell me nothing. My baby, you can go and ask her. My life is a movie, but riding. lost town, living like a rock star. Spend a lot of money on my brand new guitar. Baby's got a habit, diamond rings and Fendi sports bras. Riding down Rodeo in my Maserati sports car. Got no stress, I've been through all that. I'm like a Marlboro man, so I kick on back. Wish I could roll on back to that old town. Retour à l'antenne de la radio Guémozo. Eh oui, retour à l'antenne. Alors. Alors, c'est plutôt cool comme musique. J'ai aimé cette musique. Alors, c'est une musique avec un rythme plutôt cool. Par contre, je vais demander à Anaïs, ma voisine de table. On ne connaît pas du tout l'artiste. D'accord. Ok, donc vous ne connaissez pas. Et. Jordan, toi, tu disais, c'est... Il vient aimer la musique. Ouais. Les paroles également. D'accord. Et pour l'artiste, je connais pas du tout. Alors, moi, je connais pas la musique, ni l'artiste, ni l'année, ni d'où ça vient. Donc, comme ça, c'est clair. Charlie, l'artiste, c'est Lil Nas X. Redis voir. Lil Nas X. Et la chanson s'appelle Old Town Road. Elle est sortie il y a pas super longtemps, en 2019. D'accord. Ouais, alors, l'encyclopédie Charlie, effectivement. Donc, en plus t'as bien l'accent, je trouve. Connaisseur Charlie. Vas-y Kevin. T'es connaisseur Charlie. Merci Kevin. Alors moi je maîtrise pas l'anglais, donc j'avoue que j'ai pas compris le sens des paroles, mais le rythme m'a bien plu. C'était assez comment on pourrait dire, ouais, ça donnait envie de danser tranquillement, mais ouais, musique plaisante à écouter comme ça. Moi j'ai trouvé ça plutôt cool, zen, pas prise de tête, détendu. Anaïs, oui, dit qu'elle trouve plutôt le rythme détendu. Bon. Donc, je pense que, en choix musical, je pense que c'est Charlie. Ouais, toi, tu penses à Charlie ? Oui. Moi, je penserais plutôt à Kevin. Alors, moi, je pense à Charlie parce qu'en fait, il a été le seul à donner le nom de l'auteur et correctement. Oui. Mais c'est pas trop le style de Kevin. Moi, je dirais Charlie. Oui, j'ai décroché Charlie. Suspense ? Eh ben non, c'est pas moi. Ah, alors, Yann. Kevin. Pas la même. Ah, Kevin. Alors, personne pense Kevin, vraiment à Kevin. Alors, ah, personne. J'ai réussi à tous leur donner une doute. Non mais t'es trop fort Kevin. Mais parce que le problème c'est que Charlie connaît tellement de choses. Oui. Il a là quand même, il a l'air assez imbattable sur le titre, sur le... J'ai même pas eu besoin de donner le titre ni le nom. Ah, non, mais... C'est vrai. C'était bien trop en retrait d'ailleurs. Tu peux nous expliquer Kevin pourquoi ce choix musical? Bon, en fait c'est un moyen pour moi de me détendre, ce genre de musique. D'accord. C'est calme, c'est pas trop, c'est ni rapide ni lent. T'écoutes ça en forêt ? Oh ben j'écoute ça partout. D'accord. C'est marrant parce que je te voyais pas écouter ce style-là. Oh. Maintenant que tu l'expliques et le pourquoi, c'est vrai que c'est plutôt adapté. Comme le rythme est plutôt lent, cool. Ouais. Eh ben en tout cas, bravo, Kevin. Bravo, Kevin. Kevin, bravo. Des choses à nous dire par rapport à cette musique, par rapport à la date, par rapport à l'album? Non. Non.

voir reconnaître ça. Après, avec un mix un peu de musique orientale, ça doit être un duo, mais alors par contre, je connaissais pas non plus. Moi, je connaissais pas du tout. Moi non plus, Kevin. Moi non plus, pas du tout. Moi, je connaissais cette chanson. Et toi, Naïs ? Je ne connais pas du tout le style de musique. D'accord. Bah, est-ce que tout le monde a reconnu Grand Corps Malade à un moment ? Non. Moi, oui. Marion fait, mais comment ils peuvent pas reconnaître Grand Corps Malade ? Ben oui, sa voix est reconnaissable quand même. Je connais même pas. Oh non, il connaît pas. Mais non, mais Grand Corps Malade, c'est déjà, tu vois, c'est déjà trop ancien pour eux, quoi. Mais non, mais il vient tout juste de sortir un album, c'est pas vieux. Mais il a sorti un album, mais il a tout récemment. Dans le champ musical. Ouais, mais tu sais, maintenant c'est Grand Corps Vieux Malade. Oh, il me fait trop rire. Donc, oui, donc au-delà de ça, c'est oriental quand même comme rythme, non, Anaïs? Je sais pas, je connais pas ce style de musique. Est-ce que ça t'a plu? Oui. Donc toi, ça t'a plu? Ça te donne envie de danser, envie. Pas forcément. D'accord, en tout cas, c'était plaisant à écouter. Oui. Ok, Charlie? Moi, j'adore. Toi, t'adores. D'accord. Ah, ça, j'adore Franck quand même. Kevin? Est-ce que Marion, elle peut nous renseigner sur l'auteur, parce que bon, c'est Grand Corps Malade, mais il chante avec qui? Alors, attends. J'ai le nom qui est un peu coupé. C'est Reda Talianif. Et pas. Le titre, c'est Inch'Allah. Inch'Allah. D'accord. Oui, il y a une connotation orientale. Oui, tout à fait. Tout à l'heure, Jordan, tu me parlais de R&B. Oui, j'ai pensé un peu au R&B. Bien sûr. Avec le rythme. Charlie, est-ce que tu danserais sur ce genre de musique? Oui. Oui. Charlie, ne serait-ce pas toi qui aurais choisi ce morceau? Bien vu, Bérangère, c'est moi. Ah ouais, oh, je sentais aussi. La manière dont tu as dit j'adore, mais c'est un j'adore. Justement, je voulais dire que c'était Charlie parce que il m'avait dit au début que. Il m'avait pas dit le nom de la musique, mais il m'avait dit qu'on serait surpris par la musique qu'il aurait choisie. Et puis tout de suite, pensais Charlie. Ah ouais, parce que d'habitude, il nous habitue à quoi, Kevin, Charlie, comme style de musique? Freeman! Ah, ouais, Slimane, ouais. Voilà. Vita, Slimane, Thierry Amiel. Ouais, tout le monde. Un peu de tout, quoi. Enigma aussi. Oui, c'est vrai que nous sommes Enigma. Ouais. Charlie, pourquoi ce choix musical? Alors, quand j'avais beaucoup écouté cette chanson quand j'étais au collège, ça parlait un petit peu de. Ça parle des. Thème fédérateur, le mariage français et arabe. D'accord. Ouais. La mixité, en fait. La mixité, en fait, oui. Et tu dis que tu écoutais ça au collège, c'est de quelle année? Ça date de 2010. Ah oui. D'accord. Ouais, je sais pas. Cette chanson est sortie, j'avais 8 ans. Ah, parce que 2010, ça fait quand même bientôt 11 ans, quoi. Ça fait 11 ans. Oui. Ok. Et eh ben, merci beaucoup, Charlie, pour ce choix. Je pense qu'il a plu à tout le monde. On passe au choix suivant. Oui. Ça vous va? Oui. T'es mal la couleur de mes habits. Je me sens jamais mieux que dans mes Yeezy. Je sais très bien qui sont mes amis et ceux qui me caressent pour les abos. Je suis tout terrain, eux ils titubent. Qui a dit que je saurais pas faire de tube? Tu verras ma tête sur Deezer YouTube. Les jaloux me regardent en faisant de la couture. Et comme ça, j'ai pas dans les temps. Je rappe, je chante, j'ai tout en même temps. Je suis youtubeur mais je les éteins. Bisous aux haters, tous les jaloux. Sache que ton petit frère a dormi chou. J'ai galéré, moi je fais pas de la lèche. On me dit t'as géré, franchement t'es chaud. J'navigue sur la mélo. On me dit frérot c'est bien. J'écris au télo. Je fais ça pour les miens. Je buzz sur les réseaux. Je suis numéro 1. Je buzz sur les réseaux. Mais moi je suis resté sain. J'navigue sur la mélo. On me dit frérot c'est bien. J'écris au tes lots. Je fais ça pour les miens. Je veux sur les réseaux, je suis numéro 1. Je veux sur les réseaux, mais moi je suis resté simple. En tête ça date pas d'hier. Je suis le meilleur dans ma filière. En tête ça date pas d'hier. Charbon d'été à hiver. Gros je me suis fait tout seul. Je les vois ils pètent le seum. Supporté par leur sœur, je me suis fait tout seul. Je les vois ils pètent le seum. Supporté par leur sœur, je leur fais en douceur. Numéro 1 dans le pays c'est le feu. Comme moi y en a pas deux. On vise le mille. Dis aux jaloux de faire la queue. Dis aux jaloux de faire la queue. Tu sais que c'est ton hein. Dis-moi mais qui croyait pas en nous. Dis-lui que moi je vais être dans le top 1. Et je suis le petit qui va prendre la place des loups. Je navigue sur la mélo. On me dit frérot c'est bien. J'écris au télo. Je fais ça pour les miens. Je veux sur les réseaux. Je suis numéro 1. Je veux sur les réseaux. Mais moi je suis resté sain. Je navigue sur la mélo. On me dit frérot c'est bien. J'écris au télo. Je fais ça pour les miens. Je veux sur les réseaux. Je suis numéro 1. Je veux sur les réseaux. Mais moi je suis resté sain. Oui, t'en vas piger ça, ça. Alors, de retour à l'antenne. Alors, clairement, style musical beaucoup plus marqué. Hein, on voit qu'on n'est plus dans les années 70, qu'on n'est plus dans les années 80, ni 90, ni 2000, ni 2010, d'ailleurs, j'aurais tendance à dire. Alors, déjà, est-ce que c'est une chanson, un type de chanson qui vous parle, qui vous plaît? C'est pas du tout mon style de musique et je ne l'écouterai pas. Ah, c'est pas Jérôme qui l'a chanté. Hein. Moi non plus. D'accord. Ok, donc c'est un avis quand même très. Bon, c'est pas quelque chose que vous achèteriez comme CD. Ah, pas du tout. Ah, moi pas du tout. Alors moi ça m'a. Ouais, ça m'a pas déplu non plus. C'est pas quelque chose que j'écouterai tous les jours, mais bon, y a un côté un peu. Sur le rythme en tout cas, un peu entraînant, à la limite en voiture, quoi, mais. Mais voilà, alors niveau parole, je suis peut-être vieux, mais j'ai pas compris du tout de quoi il parlait. Je pense pas que c'était un hommage à qui que ce soit. Je te rejoins. Alors, Bérangère dit je te rejoins. Je prends les paroles et voilà, je sais pas s'il parle. Alors en off, on échangeait avec Charlie, s'il parle de réseaux sociaux, s'il parle. On serait là dans tes rangs de comprendre. N'a pas tout compris. Oui, on ne sait pas, parce qu'il parle de réseau par un moment. Est-ce que c'est, oui, réseau... oui, de, ah oui, si, c'est bon. De trafic ou réseau... En fait, il joue un personnage. Ah, alors, on a quelqu'un à l'antenne, apparemment. C'est Yann. Bonjour, Yann. Bonjour, Yann. Bonjour. Bonjour, Yann. Ça va? Alors, juste pour expliquer aux millions d'auditeurs qui sont actuellement connectés, on est... Yann, malheureusement, n'a pas pu participer aujourd'hui, mais, du coup, est avec nous par téléphone. Ouais. Ça va, Yann? Oui. Tu es en fait notre auditeur surprise. C'est ça. Oui, et vous? Bah écoute, bah, on va très bien, ouais. Mais ça va bien. Alors du coup, est-ce que est-ce que tu connais cette chanson? C'est la sienne. Oui. D'accord. Est-ce que tu peux nous en dire davantage? Pourquoi t'as fait ce choix? Pourquoi t'as fait ce choix? Qu'est-ce que, parce que bien évidemment, par déduction, on se doute bien que c'est toi. Mais qui chante et pourquoi tu as fait ce choix? Parce que j'aime bien Michou. Ah, c'est Michou, c'est ça? Et puis, dans la musique, en fait, ça parle qu'il joue un personnage de, je sais pas comment dire, de la Thèse. De la cité, c'est ça? Oui. Ah, parce que de la Thèse, tu vois, faut connaître aussi. D'accord. Ok. Donc c'est Michou, parce que moi Michou, quand tu me dis Michou, moi je pense à un monsieur qui avait une veste bleue. Non, mais c'est pas du tout le même personnage. Non, bah j'imagine bien. Kevin me parle de YouTube. Non, c'est pas lui. C'est un YouTuber, Michou. C'est un YouTuber, Michou. Oui. Ah. D'accord. Et donc tu aimes bien cet artiste. Tu aimes bien cet artiste. Oui, j'aime bien lui. D'accord. Ok, bah ouais, bah écoute, c'est bien, il faut pour tous les styles. Hein. Là, tu as vu, ouais, les gens étaient plutôt sceptiques. Pourtant, il y a quand même beaucoup de jeunes. En tout cas, c'est ton choix et c'est bien. Le but, c'est que chacun puisse choisir ce qu'il aime. Donc toi, t'aimes bien parce que ça fait référence à la cité. Peut-être il y a un clip aussi que t'aimes bien avec, qui va avec. Un clip, oui, il y en a un. D'accord. Et le clip, il... j'imagine qu'ils sont... Alors, laisse-moi deviner, ils sont dans une cité. Oui. D'accord. Avec des voitures, des motos, ouais. Et tout vert. Et des quoi? Et puis les voitures et les motos, elles sont toutes vertes. Ah, elles sont toutes vertes. D'accord. Et donc le groupe, c'est... Enfin, le groupe, le chanteur, c'est Michou. Ouais. D'accord. Et, ben, et le titre, c'est M2LT. M2NT. Ah, il n'y a pas de voyelle, du coup. D'accord. M2NT. Bah, M2LT, okay. Ça signifie Michou de la Thèse. Ah, M2LT, d'accord. Michou de oui. La Thèse. Ok. Eh ben, en tout cas, merci pour ce choix, Yann. Et on a hâte de te retrouver. Vas-y. Oui, merci d'avoir participé à l'émission avec nous. En plus, de rien. Tu étais au point avec ton choix musical. C'était bien intéressant que tu nous expliques. Tout à fait. Bah, pourquoi ce choix et puis l'artiste? De rien. Et c'est ton choix et c'est très bien. Et du coup, tu disais l'année, c'est 2019, c'est ça? Non. C'est sorti le 20 décembre 2020. Ah oui, d'accord, ouais, donc on est. On voit que tu as travaillé ton sujet, hein? Ouais, c'est très bien. Eh ben, merci à toi, Yann, d'avoir participé avec nous quand même. Là, on a fini, donc. Vas-y, Charlie. Ainsi s'achève notre émission de Radio Gamozo. Eh ben écoutez, au revoir à tous les auditeurs et puis à bientôt. Ouais, merci à vous et merci à Marion et à Radio Gamozo de nous accueillir parce que vraiment, vraiment, c'est toujours les jeunes sont en attente à chaque fois de cet atelier. Ils en parlent des mois à l'avance. Non, mais c'est vrai. Donc on reviendra bientôt. On verra pour les dates, tout ça. Voilà, faut qu'on croise les doigts un petit peu par rapport à toute organisation. Merci à tous les jeunes d'avoir participé à cet atelier. Merci à tous et puis on vous souhaite de bonnes vacances. Et bonnes vacances à tout le monde. Un petit mot de la fin pour quelqu'un, pour dire au revoir. On espère vite vous retrouver, puis en attendant, prenez soin de vous. Respectez les gestes barrières. Et à très... bientôt. Très bientôt. Au revoir. À très bientôt, au revoir. Au revoir.